Franz était atterré. Plusieurs heures s'écoulèrent avant qu'il eût repris possession de lui-même. Il devait être environ 5 heures du soir. La journée du 13 allait s'achever. Après avoir franchi, avec effraction, 2 portes aux planches pourries de la crypte, Franz arrive dans une chapelle aussi délabrée. Dans cette chapelle, un homme venait d'entrer. C'était Orphanik. Ce savant incompris, cet inventeur toujours à la poursuite de quelques chimères. Quelques minutes après l'arrivée d'Orphanik, un autre homme pénétra dans la chapelle. C'était le baron Rodolphe de Gortz. Rodolphe de Gortz s'approcha pour examiner le travail dont s'occupait Orphanik. Et voici les propos qui furent échangés d'une voix brève entre ces 2 hommes.